Bonjour à tous. Alors c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici à Uriage, à Saint-Martin-d'Uriage, après une année blanche où nous avons été privés de rencontres. Et je sais que beaucoup d'entre vous, ça a manqué. Donc c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons cette année pour cette belle édition qui a pour thème « Prisonnier du temps ». Cette manifestation, elle est co-organisée par l'Office de tourisme d'Uriage et puis la Société alpine de philosophie, que je préside depuis 6 ans. Voilà, donc après tout ce temps où nos existences ont été un petit peu comme suspendues, nous éprouvons tous le besoin de prendre le temps de réfléchir collectivement à ce qui nous est arrivé. Et c'est vrai que durant le confinement, il y a eu une interruption un peu brutale de la plupart de nos activités et routines, et ça a modifié sans doute notre perception du temps, qui nous a paru d'un coup comme long et suspendu, alors que d'ordinaire, nous semblons vivre plutôt dans l'urgence et l'immédiateté. Alors peut-être qu'à cette sensation de fuite du temps et à notre besoin peut-être très occidental de maîtriser le temps, s'ajoute cette autre dimension, celle d'une accélération et d'une compression du temps. Nous avons en permanence l'impression de manquer de temps, alors que paradoxalement, les technologies, les progrès technologiques nous sont censés nous en faire gagner. Mais nous vivons comme une sorte de perte et de fragmentation du temps. Alors c'est là-dessus qu'on a voulu s'interroger aussi. Hein, pourquoi le temps nous échappe-t-il ? Comment nous réapproprier aussi ce temps qui nous est si précieux ? On a toujours le souci, avec les rencontres Philosophie d'Uriage, de choisir des thèmes qui sont un petit peu à l'intersection des questions qui sont socialement émergentes et aussi des enjeux philosophiques plus profonds. Le thème du temps, il a bien sûr une dimension métaphysique, on en aura aussi un petit aperçu dans la matinée. Il est difficile de saisir ce qu'est le temps en soi, mais il a aussi évidemment des incidences sur notre mode de vie. Alors penser le temps, c'est à cela que vous invite les rencontres philosophiques d'Uriage, avec tous les intervenants que je remercie chaleureusement de leur présence et tous ceux qui vont avec moi animer, veiller à l'organisation de ces 2 journées. Alors vous avez vu tous, je pense, le programme. Hein, il y a un programme assez chargé, des conférences, des tables rondes, des ateliers philosophiques cet après-midi auxquels vous pouvez vous inscrire. Et puis il y aura un buffet, vous avez vu des petites tentes un petit peu en bas, sur la gauche, quand vous sortez de la Richardière, juste dans la pelouse, c'est juste attenant, il y aura le repas de midi. Et puis je salue aussi nos partenaires libraires, la librairie Le Square, la librairie Les Modernes, et puis le bouquiniste Alain, bien connu des habitants d'Uriage. Voilà, et puis nous allons commencer cette matinée par un abécédaire, qui est une sorte maintenant d'exercice un petit peu devenu traditionnel aux rencontres. Et puis il y aura une petite pause de 10 minutes, et puis ensuite on écoutera Judith Revel, qui nous proposera une conférence et son regard philosophique sur l'année écoulée à 11h. Alors, pour cet abécédaire, nous nous retrouvons avec plaisir pour cet exercice un petit peu ludique qui ouvre les rencontres sur la question du temps et de la manière, finalement, dont le temps peut être appréhendé et pensé. Donc, plutôt que de... Nous vous proposons ce travail un petit peu ludique d'approche du thème pour commencer à problématiser la question. Et puis, on a invité, évidemment, des intervenants qui ont chacun une perspective très très différente sur le temps, et ça permettra aussi de voir combien ce thème est complexe et riche. Et alors je vous rappelle un petit peu brièvement le principe de l'abécédaire. Chaque intervenant a choisi une lettre pour parler du temps, chacun avec sa perspective donc propre, soit propre à sa discipline, soit propre à ses travaux de recherche. Et les différentes lettres sont autant de portes d'entrée dans le thème. Les lettres seront tirées au sort et chaque intervenant disposera de 8 minutes pour traiter sa lettre. Le sablier en fait foi. Et je rappellerai autant les intervenants. On voit combien le temps est précieux pour les intervenants de cet abécédaire, puisque chaque minute, peut-être même chaque seconde, va compter. Alors, pour participer à cet abécédaire, donc... nous avons le plaisir d'avoir donc Philippe Barrière, qui est historien, docteur en histoire. Il enseigne en classe préparatoire littéraire au lycée Champollion à Grenoble. Il donne aussi des cours à l'IEP de Grenoble. Il est spécialiste d'histoire contemporaine et ses travaux portent notamment sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il a écrit, il est co-directeur de la collection Résistance aux presses universitaires de Grenoble. Il a publié notamment « Histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale ». Grenoble en ses après-guerres, de 1944 à 1964. C'est un ouvrage qui est paru en 2004. Et plus récemment, un ouvrage consacré à Albert Régnier, qui était un préfet de la Résistance à Grenoble, aux éditions Patrimoine en Isère en 2016. Vous devriez pouvoir trouver ces ouvrages aussi chez nos amis libraires. Et il est également membre du conseil scientifique du musée de la Résistance et de la Déportation en Isère. Nous avons le plaisir aussi d'avoir parmi nous Marion Boulnois. On n'a pas fait exprès, mais seule représentante, seule femme dans cet abécédaire. Donc Marion Boulnois est professeure de philosophie agrégée. Elle enseigne au lycée Champollion. Elle a également aussi été formatrice académique sur la laïcité. Elle a participé notamment aussi à la réflexion pédagogique et la mise en œuvre d'ateliers philo pour les enfants. Elle a donné notamment aussi des cours à l'UGA sur les pratiques du dialogue philosophique dans le cadre du diplôme universitaire que l'UGA a proposé. Et elle a publié notamment « Comment faire de la philosophie avec les enfants » c'est paru dans le Recherche en éducation en 2016. Nous avons aussi à nos côtés Daniel Bougnou, qui est philosophe, professeur émérite à l'Université Grenoble-Alpes. Il a enseigné la théorie littéraire et les sciences de l'information et de la communication. C'est un spécialiste de Louis Aragon, auquel il a consacré de nombreux travaux. Il a dirigé notamment l'édition des œuvres romanesques d'Aragon dans la bibliothèque de la Pléiade. Et puis il a créé notamment aussi la revue Silex, hein, qu'il a dirigée nombreuses années, de 76 à 85. Et il est l'un des fondateurs de la médiologie avec Régis Debray. Et donc il s'est un petit peu aussi spécialisé dans ce domaine et il a publié beaucoup d'ouvrages sur la communication, notamment, je n'en cite qu'un parce qu'il y en a beaucoup, La communication contre l'information aux éditions Hachette en 95. À ma gauche, Denis Perrin. Denis Perrin est philosophe, professeur des universités en philosophie du langage et philosophie de l'esprit à l'Université Grenoble-Alpes. Il est directeur de l'unité philosophie pratique et langage à l'Institut de philosophie de Grenoble, hein, ça s'appelle l'IFIG, l'un des grands laboratoires de recherche. Ses recherches relèvent de la philosophie analytique et de l'esprit et du langage. Et son travail actuel concerne principalement la mémoire. Il est membre notamment du Centre de philosophie de la mémoire. C'est un grand centre interdisciplinaire qui a porté vraiment international et qui a été créé à Grenoble, qui associe des philosophes, des neurocogniciens et puis des neuroscientifiques. Hein. Donc c'est vraiment un gros institut qui œuvre à Grenoble. Et il a publié notamment, alors là aussi il y a beaucoup d'articles, donc je ne donnerai qu'un ouvrage, notamment « Qu'est-ce que ce souvenir ?» aux éditions Vrin, collection Chemin philosophique en 2012, et de nombreux ouvrages spécialisés sur la psychologie cognitive. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir Thierry Vincent. Thierry Vincent qui est psychiatre, psychanalyste et essayiste. Il dirige une clinique psychiatrique spécialisée. Il dirigeait une clinique psychiatrique spécialisée dans l'accueil des adolescents. Et il a publié des ouvrages de référence sur la psychanalyse. Mais ses travaux portent aussi sur la société contemporaine, dont il éclaire un petit peu les enjeux par son regard. Vous verrez, très acéré. Il a travaillé notamment sur le rapport entre les sexes, le rapport à l'image ou encore le phénomène religieux. Alors là aussi, je ne donnerai que deux titres d'ouvrages. Notamment, il a publié notamment « Dieu sans religion, foi et démocratie » aux éditions universitaire de Grenoble en 2016, et puis un ouvrage collectif, La transmutation post-humaniste, critique du mercantiliste anthropotechnique, en 2020, aux éditions QS. Là aussi, une réflexion sur les enjeux technologiques et la manière dont l'humain en est modifié. Et puis enfin, Thomas Bocongibaud, qui fait partie du comité d'organisation, évidemment aussi de ces rencontres du RIAGE. Il est philosophe, maître de conférences en philosophie du droit, des normes et des institutions à l'UGA. Il appartient lui aussi à l'IFIG, hein, cet institut philosophique de Grenoble. Et ses domaines de recherche portent sur la philosophie de l'action, la théorie des institutions, les théories contemporaines de la régulation. Et puis il fait beaucoup de recherches sur ce que c'est que le républicanisme aujourd'hui, à la fois dans une perspective de théorie du droit public, mais aussi d'histoire des idées, hein, finalement politique. Il a beaucoup travaillé sur Michel Foucault et il a contribué beaucoup à faire une sorte de réutiliser les perspectives et les outils de Foucault pour l'appliquer justement aussi à ses réflexions sur les institutions. Il a publié notamment Michel Foucault, Dire la vérité, aux éditions Canopée CNDP en 2013, et puis Autorité et démocratie, l'exercice du pouvoir dans les sociétés modernes, c'est son travail de thèse, mais qui a été publié aussi à l'Institut universitaire de Varennes en 2014. Je remercie donc vraiment tous ces intervenants de s'être prêtés au jeu de l'abécédaire, et puis sans plus attendre, on va commencer peut-être à tirer la première lettre au sort. Donc dans cette petite boîte, voilà, se trouvent les différentes lettres. Alors, eh bien, c'est Thierry Vincent, D comme Dick, Philippe K. Alors, c'est un petit peu énigmatique, mais il va nous éclairer. Merci. Les livres de Philippe K. Dick fonctionnent presque tous de la même façon. Quelque part, un type banal, mineur sur Mars, plombier dans une lointaine galaxie au service d'un consortium tout-puissant, prend une drogue quelconque pour venir à bout de sa solitude, de son ennui, de sa condition prolétarienne, puis s'aperçoit que son univers habituel a changé. Il attribue cela aux effets de la drogue, attend que les choses se calment, ce qui semble être le cas dans un premier temps. Il reprend ses activités, mais voilà qu'au sein même de son travail habituel, des choses inhabituelles se présentent. Des gens ont changé de place, des morts sont revenus parmi les vivants. Dans un monde où les nazis ont gagné la guerre, circulent des films qui montrent qu'en fait ils l'ont perdue. Insensiblement, le réel se détraque, Le temps semble glisser, s'accélérer, s'inverser. Le type ne parvient pas à savoir s'il rêve ou s'il est un rêveur qui rêve qu'il rêve. Il n'a plus de prise sur rien. Tout semble avoir une coloration de facticité. Chez Dick, fortement marqué par l'absurdité de la guerre du Vietnam et les expériences hallucinogènes, le temps est poreux, fuyard. Les corridors temporels sont pleins de portes s'ouvrant sur des chemins divergents pour lequel les retours en arrière n'aboutissent plus au même endroit. Il n'y a aucun semblant de linéarité temporelle de celle qu'on distingue après coup. Le titre de ses ouvrages en sont l'illustration, le temps désarticulé, glissement du temps sur Mars, en attendant l'année dernière, à rebrousse-temps. Vous commencez un voyage en fusée, puis vous vous retrouvez dans une antique Ford T, avant d'être dans une voiture à cheval dans un monde où rien de ce que vous possédez n'a cours. On trouve dans les livres de K. Dick, évidemment, l'inévitable bric-à-brac de la science-fiction, voyage à la vitesse de la lumière, guerre intergalactique, paradoxe spatio-temporel, et surtout des entités télépathes ou voyants extralucides. Mais tout cela n'est qu'un décor parmi d'autres possibles que Dick va se faire une joie d'altérer et qui n'est que prétexte à déconstruction. Les télépathes devinent des pensées qui ne se traduiront par aucun acte concret. Les voyants perçoivent des mondes qui n'existent pas ou seulement dans un univers parallèle où vous n'irez jamais. Les paradoxes temporels ne fonctionnent pas plus car le voyageur dans le temps ne parvient jamais à revenir au point de départ parce que celui-ci a changé. On peut toujours attendre avec impatience de se retrouver l'année dernière, mais quand on y parvient enfin, celle-ci n'est plus l'année d'avant. Les scénarios des livres de Dick sont comme ce qu'ils racontent, inénarrables au sens propre du terme, désarticulés, éprouvent toujours la même chose, le temps n'est que le fruit de notre perception, et toute manipulation du temps modifie l'espace qui le constitue. Si bien qu'on ne lit pas Dick, on en fait l'expérience. L'expérience dickienne, c'est de se laisser prendre par la main et tenter de s'installer dans un univers où tous désorganisent progressivement, involuent, se transforment. Bien avant Derrida, Dick montre la déconstruction du quotidien à l'œuvre dans ce qu'elle a de plus élémentaire. Chez Dick, le dieu de Descartes est trompeur, celui d'Einstein passe son temps à jouer au dé. L'héros dickien est un pauvre type qui cherche en permanence un point fixe auquel se raccrocher, une vague raison de ne pas lâcher la rampe, laquelle finit d'ailleurs par se transformer en une entité molle, inapte à sa fonction première. Chez lui, il n'y a guère de début et de fin à ses romans, puisqu'après avoir beaucoup bougé, s'être beaucoup déplacé dans le temps, avoir entrepris beaucoup d'actions diverses, ses héros, partis d'un point incertain, ont réussi à force de courage à n'arriver qu'à peu près nulle part et ne retirent pratiquement rien de tout leur périple. Tout peut donc toujours continuer ou s'arrêter. Ça ne changera pas grand-chose. On le voit, Dick est par excellence l'anti-Proust, son jumeau noir et diabolique. celui-ci se moquant de notre prétention à faire sens de tout. Le signifiant dickien est désarticulé, il ne représente pas le sujet pour un autre signifiant, ne renvoie guère qu'à lui-même, un monde néologique qui n'introduit qu'à sa troublante étrangeté. N'est récurrente dans ses livres que la figure de l'antiquaire, celui qui stocke des objets d'un passé révolu, pour qu'à défaut de repères spatio-temporels, le héros dickien puisse tenter de se raccrocher à des choses qui n'offrent cependant pas de possibilité de nostalgie. Il n'y a pas d'anamnèse. Les choses ne nous renvoient pas dans le temps, c'est le temps qui nous renvoie les choses. Les livres de Dick se présentent comme des récits nécessairement inaboutis et, pourrait-on dire, nécessairement inutiles. Dick sape la trame du roman classique dans lequel le héros, pour aller de A à B, est obligé d'en passer par C. Le héros dickien, au contraire, veut se rendre de A à B, mais B n'existe pas. C le renvoie à D dans un système de coordonnées où A a disparu. Pierre est amoureux de Natacha, et même si c'est le prince André qui finit par l'épouser, il se trouve que le prince André est en fait Swann, et Pierre Charlus, alors que Natacha n'est jamais que l'avatar d'Albertine, se faisant passer pour Odette de Crécy, laquelle pourrait bien être Emma Bovary. Vous me suivez? On connaît l'objection de Woody Allen à l'argument selon lequel nous passerions notre temps à rêver de la réalité. Dans ce cas, dit-il, j'ai payé beaucoup trop cher ma moquette. Car il va de soi que tout cela n'est que de la science-fiction. Nous vivons heureusement dans un univers où le temps est consistant et n'est pas un simple effet de chimie cérébrale sur laquelle une drogue peut agir. Nous ne vivons pas dans un univers où des consortiums géants sont dirigés par des ultra-riches qui décident de régenter le monde en fabriquant des drogues ou des objets rendant accros ceux qui les consomment et où l'on se rend dans d'autres planètes pour tirer profit de leurs ressources ou de leur population. Mais voilà que j'ai reçu une lettre il y a très peu de temps de quelqu'un que je vous communique. Cher Thierry, figure-toi que nous avons récemment été victimes dans mon pays d'un arrêt complet du temps et donc d'une inévitable modification de l'espace. Les immeubles sont debout, le ciel est bleu, l'air est tiède, les montagnes sont magnifiques, les oiseaux chantent, oui. Aucune armée étrangère n'occupe le pays. On ne manque pas de nourriture et pourtant on nous dit qu'on est en guerre. On se dit en guerre, mais c'est une guerre où ne se passe rien d'autre que l'attente. Le désert des Tartares, le rivage des Sirtes. Nous sommes une guerre scientifique, requérant de hauts moyens technologiques, peut-être, une guerre qui doit être gagnée par des savants. Le menu peuple a juste besoin de se charger de l'intendance. Ici, l'ennemi est aux aguets, mais nul ne le voit, c'est un furtif. On en entend parler, c'est tout. Parfois, l'ennemi se rapproche un peu, au hasard d'une conversation entre amis. Un tel a été hospitalisé, il ne parvenait plus à respirer. Mais pas de bruit d'explosion, de balles qui nous frôlent, pas de bâtiments en feu. Un matin, on ne parvient plus à respirer, on vient vous chercher, on part au front. Pourtant, l'ordre règne dehors, il n'y a rien à voir. Cher Thierry, toi qui es psychiatre, dis-moi la vérité, penses-tu que je sois malade? Je lui ai naturellement répondu qu'il déraisonnait. L'abus de drogue, un délire constitué, une intoxication dickienne assurément, et lui ai conseillé de consulter au plus vite. Je ne sais pas s'il le fera. Je considère que sa maladie est déjà très avancée, je ne pense pas qu'il s'en sorte. Pour terminer, je vous signale qu'Emmanuel Carrère, fin connaisseur de l'œuvre de Dick, en a écrit une très belle biographie qui s'appelle « Je suis vivant et vous êtes mort ». D'ailleurs, au fait, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais j'ai trouvé, moi, que le café servi par la sape ce matin avait un goût bizarre. Il n'est pas impossible qu'ils aient mis une drogue quelconque dans celui-ci et, à la réflexion, tout bien considéré, il me semble en effet que je suis vivant et que vous, qui m'avez pourtant trop patiemment écouté, vous êtes mort. Le seul problème, c'est que vous ne vous en êtes pas encore aperçu et que pendant que je parlais, la moquette est devenue hors de prix. Merci. Merci beaucoup, Thierry, pour cette belle intrusion dans un univers temporel, quand même, une expérience temporelle. Donc, je vous invite à lire les romans de Dick, hein, Ubik notamment. Et il a aussi fait le scénario, enfin, il a écrit le livre qui a donné le scénario de Blade Runner. C'est peut-être ce pourquoi il est le plus connu. En tout cas, je vous invite à lire Dick. Et c'est vrai que la littérature nous fait vivre une expérience temporelle inédite, finalement. C'est une invitation à lire. Merci. On va tirer une deuxième lettre. On va voir si le hasard. Alors, P comme Proust. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais comme Dick est l'anti-Proust, ça tombe finalement bien, le hasard fait bien les choses. Donc je laisse la parole à Daniel Bougnou. Oui, étrange coïncidence. Merci Anne. Bon, en 8 minutes, Proust, ça va être le temps perdu, le temps retrouvé, le temps compacté, le temps concassé, parce que l'œuvre est quand même très, très vaste. Mais hors de mon propos, Thierry, tu as cité Proust, et tu l'as pas mal malmené, et tu as cité mon cher Woody Allen. Alors, j'ouvre ces rencontres, moi, par un aphorisme de Woody Allen qui m'a enchanté. Le temps est le truc que la nature a inventé pour que tout n'arrive pas d'un seul coup. Ça me paraît vertigineux, et je vous invite à tourner ça dans votre tête. Alors, bon, j'ai un écran qui se colle sur mon écran, ça va pas. Bon. Alors, sur Proust, il y a énormément de travaux disponibles. Je ne sais pas si quelques-uns sont sur les tables, mais moi, j'ai abordé Proust à travers René Girard, magnifiques enquêtes sur la rivalité mimétique, le triangle amoureux, etc., la jalousie. Je l'ai abordé à travers Deleuze, je l'ai bien connu, Proust et les signes, qui est un bouquin absolument canonique et merveilleux d'analyse deleuzienne, datant des années 60. Un peu trop platonicien, je crois, il tire trop Proust du côté de Platon, mais Proust lui-même, évidemment, est enlisé dans Platon. Mais peut-être on pourrait penser autrement les choses. Il y a les magnifiques tomes de Gérard Genette, figure 2, figure 3, merveilleuse approche rhétorique de Proust, et il en tire énormément de choses concernant le temps et les conjugaisons. Et puis, il y a bien sûr Julia Kristeva, le temps sensible, alors très psychanalytique, un peu lassant par les enquêtes concernant les paperoles, les avant-textes, l'échelonnement des publications, la chronologie interne à l'œuvre de Proust, qui est extraordinairement complexe, et dont se font un délice les spécialistes. Ce n'est pas mon propos. Moi, j'ai trouvé que Proust était très bien traité dans les livres de François Julien, que vous entendrez demain à cette table, et donc par hommage à cette amitié que j'ai avec François Julien, à son œuvre magnifique, mon Proust sera quelque peu teinté de son approche. Et voici comment. Donc c'était pour vous dire qu'on ne fait pas table rase, n'est-ce pas, quand on part de tous ces gens-là, on a déjà un background. Les études ne sauraient trop innover, je crois, sur Proust. Et pourtant, dans L'Inouï, L'Inouï particulièrement, c'est un livre de François Julien de 2019, eh bien, il y a des pages formidables sur le temps retrouvé. Et c'est mon sujet, n'est-ce pas ? Temps perdu, temps retrouvé. Qu'est-ce qui se passe quand on passe du temps perdu au temps retrouvé ? Il y a là une énigme. Vous savez que l'œuvre de Proust se décline sur ces deux versants. Et c'est un mystère, c'est une sorcellerie, cette histoire de temps retrouvé. Et je ne vais pas évidemment élucider totalement ce télescopage aujourd'hui, mais néanmoins vous faire entendre la profondeur et l'intérêt de cette problématique. Il s'agit d'une libération. C'est pourquoi « prisonnier du temps », je crois, consonne avec l'œuvre de Proust. Il s'agit de se libérer d'une prison. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le temps perdu n'est pas seulement le temps passé, écoulé, mais c'est le temps qu'on perd, hein, le temps qu'on dissipe dans les mondanités, dans les grands bars, les rencontres, etc. On ne perd pas moins son temps ou sa vie en se contentant d'un langage desséché, le terme est de Proust, incapable de nous faire toucher ou de nous restituer la chair du monde, le vif de la sensation. Sa profondeur sensible. Et la recherche, c'est avant tout l'apprentissage tourné vers l'avenir d'un narrateur qui progresse en décapant les apparences et les automatismes de notre langue qui nous enferment dans des stéréotypes, qui nous enferment, qui nous étouffent, qui nous enlisent. Toute langue agit comme une gangue. Grand thème de Julien à propos du chinois et du passage Occident-Orient. Toute langue agit comme une gangue à partir de laquelle nous sommes confinés. Prisonnier. Et donc, il faut fissurer cette langue ou gang pour respirer et retrouver un peu de vérité. Donc, il y a un enlisement et il y a une découverte, une recherche et une découverte, suffit d'une découverte. Alors, cette découverte plaît de Julien, et le mot est très fort, c'est pas la découverte d'un autre monde, c'est pas Christophe Colomb mettant le pied en Amérique, c'est le même monde. On est dans l'immanence. Mais le monde est non pas découvert, mais non pas sujet à découverte, mais à découvrement, indique Julien de façon très, très forte, je crois. Il s'agit de retirer une taie ou un voile et que ce voile se déchire. Eh bien, quand on lit la recherche, elle est scandée en effet par des trouvailles, par des découvrements, qui donnent au narrateur, je le cite, une joie extraordinaire. Mais ce qu'il touche dans ces moments où les apparences comme un voile se déchirent n'a rien de prodigieux, d'extravagant, d'ailleurs, d'exotique. On reste ici-bas, c'est le même monde. Le monde proche, familier, mais d'un seul coup abyssal dans sa proximité. Et cela s'opère à la faveur d'un lapsus, d'un hasard, d'une rencontre parfaitement ordinaire, suivie d'instants de grâce. Et qu'est-ce qu'on découvre à ce moment-là, demandera le lecteur. Eh bien, réponse de Proust dans Le Temps Retrouvé, un peu de temps à l'état pur. Un peu de temps à l'état pur. Le temps d'une apparition, d'un essor. Alors, chez Julien, essor se conjugue avec étal. L'étal, c'est l'étalement des jours. C'est la routine, ce sont les habitudes. C'est l'enlisement ordinaire dans la langue, dans les stéréotypes, dans les perceptions, etc. Et l'essor, c'est d'un seul coup quand on s'arrache à cette gangue. Eh bien, avec la petite Madeleine trempée dans le thé, je prends l'exemple le plus familier et connu de tous, je pense, Combray, d'un seul coup, surgit dans sa totalité. Une totalité telle qu'il ne pouvait être vécu à l'époque, mais que le télescopage de deux sensations identiques, le narrateur buvant son thé chez sa mère à Paris, et ça lui rappelle la tante Léonie trempant la même Madeleine, une autre Madeleine, enfin, un gâteau identique dans le thé à Combray, d'un seul coup, tout Combray revient. Tout Combray revient. Par une sensation de hasard, au départ parfaitement de rencontre. Et ce présent de Combray, il faut le comprendre à la fois comme une présence et un cadeau. Le mot présent est intéressant parce qu'il a les deux connotations de la présence et du cadeau. Et toute la recherche est ainsi ponctuée par ces instants magiques d'une présence enfin pleine du monde, enfin pleine au monde. Ordinairement, en effet, nous ne sommes pas présents. Ordinairement, nous vivons de représentation. C'est un terme qui m'a beaucoup occupé. J'ai écrit un livre sur la crise de la représentation et l'articulation des deux mots présence, représentation continue de m'intéresser. Nous vivons de représentation, c'est-à-dire que la présence nous échappe. Nous la frôlons, elle apparaît parfois sur un mode furtif, sur un mode éphémère, mais elle est sujette à disparition. Eh bien, nous ne sommes pas dans la présence, nous sommes dans les projections, nous sommes dans les représentations. Projection, c'est très fort. Au début de Combray, vous avez la page, les toutes premières pages de Combray, le toute première page de La Recherche du Temps Perdu, c'est la lanterne magique. Et la lanterne magique, projetée sur les murs, absorbe tout ce qu'elle touche. Le bouton de porte devient une partie du film de la lanterne magique. Quand Swann vient le soir visiter ses voisins, eh bien, c'est un paisible voisin de campagne. Et toute la petite famille projette sur lui des stéréotypes, une image de Swann, qui ensuite sera close. Swann ne pourra plus sortir de cette image vis-à-vis de la famille à Combray. Ils ne savent rien de la vie mondaine de Swann à Paris. Ils tomberaient des nues en apprenant que Swann est reçu à l'Élysée, alors qu'il vient avec son panier de pommes visiter ses bons voisins le soir à Combray. Et donc, la vie mondaine est ainsi faite de projections, de stéréotypes, d'habitudes, de carcans, de gangs. Et le temps retrouvé, eh bien, c'est quand on n'assimile plus le monde. Assimiler, c'est une grande loi biologique, n'est-ce pas ? On mange, on assimile des aliments, on les convertit en autres substances. Et la perception, c'est pareil. On assimile des informations, des visions, on les convertit en notre propre monde, en notre propre substance. Il faut casser cette assimilation pour que le monde nous soit redonné, ressuscité dans sa présence. Ces moments de fascination du temps retrouvé constituent autant de sommations éthiques, morales. Il faut être capable de cette bifurcation, de ce lapsus. Et j'avais un tel appétit de vivre maintenant, dit le narrateur de la recherche dans Le Temps Retrouvé. J'avais un tel appétit de vivre maintenant. Il sent un formidable appel venant de ces apparitions. Mais on ne s'installe pas dans le temps retrouvé. C'est toujours sur le mode furtif d'un coup, d'une révélation éphémère et qui nous a visités. Eh bien, et je termine, de nouveau, la vision éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle m'avait dit « Saisis-moi au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l'énigme du bonheur que je te propose. » Voilà le défi de lire aujourd'hui Proust. C'est d'être à la hauteur de cette langue, ou du moins de se laisser embarquer dans une langue qui vous embarque vraiment ailleurs, n'est-ce pas ? Ne pas se contenter de perceptions stéréotypées, éculées, ne pas se contenter de livres du type, de les best-sellers du jour, quoi, je ne vais pas citer de nom propre, mais tous ces livres qui encombrent nos rayons de librairie et de bibliothèque, mais aller vers des choses plus rares, plus fines, plus décapantes. Merci. Merci beaucoup, Daniel, pour ce beau voyage dans la recherche du temps perdu. Et effectivement, c'est extrêmement difficile de retrouver le temps en un temps si court. Ça nous montre aussi que l'art, évidemment, nous permet une reconfiguration en fait, du temps, une expérience temporelle aussi. Et donc, c'est un des moyens peut-être qu'on peut avoir justement de saisir le temps qui nous échappe, de le vivre par l'acte de lecture, par le temps aussi que prend la lecture, revivre le temps et faire cette expérience temporelle finalement qu'on ne peut pas remplacer, irremplaçable qu'est la lecture. Alors, je vais tirer une autre lettre pour qu'on avance dans notre voyage dans le temps, en quelque sorte. Alors, ce sera la lettre B, comme brièveté de la vie. Et je vais laisser la parole à Marion Boulnois. Parler de Sénèque, du traité de la brièveté de la vie en 8 minutes, évidemment, c'est trop bref. Même si le traité ne fait qu'une 40aine de pages, ses apports sont tels, son aide si précieuse, sa lecture capable de transformations existentielles si profondes et si durables, que je déplore de ne pas avoir le temps de le commenter plus longuement. Alors voilà que je fais exactement à propos de ce petit exposé de 8 minutes ce que nous faisons tous à propos de notre vie. Je me plains. Je me plains que le temps imparti m'est trop court, je me plains que le temps me manque, que j'aurais voulu en avoir plus pour apprendre à jouer du piano, pour connaître le nom des étoiles, pour arpenter tous les sommets des Alpes. Sans cesse, nous ressassons cette complainte que la vie est trop courte, que nous voudrions en vivre 10, 100, 1000, que le temps nous manque pour combler nos désirs. Et à l'heure où les transhumanistes cherchent à allonger indéfiniment la durée de la vie, l'antique Sénèque s'attaque à cette universelle désolation selon laquelle le temps nous manquerait, la vie serait trop brève. Pourtant, cette plainte même, selon laquelle nous dilapidons la vie, est une plainte paradoxale, absurde, car si vraiment la vie est trop brève, alors il n'y a rien de plus stupide que de la perdre en se lamentant. Les lamentations n'apportent rien, et pendant que je me plains, que je me désole, eh bien, le temps a passé, à jamais perdu, car vous le savez bien, nous ne sommes pas éternels, nous allons mourir, bientôt, plus vite que ce que l'on ne croit, car personne ne te restituera tes années, personne ne te rendra à toi-même. La vie continuera comme elle a commencé, sans remonter son cours ni l'interrompre. Elle ne fera pas de bruit, elle ne t'avertira pas de sa rapidité, mais s'écoulera en silence. Sur sa lancée initiale, elle poursuivra sa course. Nulle part elle ne se détournera, nulle part elle ne s'attardera. Que t'arrive-t-il ? Tu es occupé. La vie se hâte, la mort cependant arrive. Et bon gré mal gré, il faudra lui céder la place. Alors faut-il se désespérer ce samedi matin d'octobre, alors qu'on s'apprêtait à passer ensemble un bon moment, à ce que Sénèque nous rappelle de manière un peu désobligeante notre finitude, à laquelle on n'avait pas forcément envie de penser là tout de suite ? Eh bien non, il ne faut pas se désespérer, mais il faut se réjouir. Car si nous comprenons que nous faisons une erreur de jugement, car si nous comprenons que ce n'est pas la vie qui est trop brève, mais que c'est nous qui la gaspillons, si nous comprenons que nous devons méditer la mort non de façon tragique, mais pour apprendre à vivre, alors non seulement nous pourrons nous réapproprier le temps qui est le nôtre, mais plus encore, nous pourrons devenir éternels. Dans ce traité destiné à son beau-père Paulinus, Sénèque défend la thèse selon laquelle ce n'est pas notre vie qui est trop brève, mais nous qui la dilapidons. J'évoquerai, si j'ai le temps, en 8 minutes, car évidemment ça n'est pas suffisant, mais les stoïciens pensent que nous devons faire avec le temps que le logos, cette rationalité nous a imparti, bien pareil, on doit faire avec le temps que les dieux mortels des rencontres philosophiques du Riage nous ont donné. J'essaierai de vous expliquer rapidement la thèse de Sénèque et comment, dans le calme de l'otium et dans la fréquentation de ses amis que sont les philosophes, nous pouvons peut-être, avec eux, accéder à l'éternité. Sénèque commence à nous inviter à distinguer 2 types d'hommes, les occupés et les sages. Les occupés, ce sont ceux qui perdent leur temps, ceux qui dilapident leur vie, ce sont les inconséquents. Nous sommes presque tous tout le temps occupés, et Sénèque nous propose une petite expérience de pensée. Il suffit de questionner un de nos semblables. Il nous dit, dans la foule des vieillards, il ne vise personne, j'ai envie d'en attraper un et de lui dire, nous te voyons arriver au stade de ta vie, 100 ans ou davantage pèsent sur toi. Eh bien, regarde derrière toi et fais le compte de tes années. Dis-nous combien sur ce temps t'ont pris un créancier, un ami, un roi, les disputes avec ta femme, la correction des esclaves, la course aux 1000 obligations de la vie. Et tu verras que tu as bien moins d'années que ce que tu en comptes. Nous ne vivons pas pleinement et Sénèque nous propose une distinction conceptuelle entre vivre et être. Bien souvent, nous croyons vivre alors qu'en réalité, nous nous contentons d'être. Être, c'est être occupé, c'est être dépossédé de soi-même par les 1000 exigences de la vie sociale, c'est être de manière inauthentique, c'est perdre notre temps à courir derrière les futilités, la reconnaissance des autres, l'amour, la gloire, l'argent, les honneurs, la richesse. Que serait vivre alors ? Vivre, ce serait accéder à cet idéal stoïcien. Rappelle-toi, dit Sénèque au vieillard, quand tu as été ferme dans tes desseins, quand tu as disposé de toi-même, quand ton visage est resté impassible et ton cœur intrépide. Vivre, ce serait atteindre ce bonheur entendu comme l'ataraxie, comme l'absence de trouble, comme la vertu, comme la conformité avec l'ordre rationnel du monde. Mais comment comprendre alors que nous commettions tous cette erreur funeste, que nous négligions notre bien le plus précieux ? Comme toujours chez les stoïciens, cela provient d'une erreur de jugement. Nous dilapidons notre bien le plus précieux parce que nous vivons en immortel alors que nous sommes mortels. Vous vivez comme si vous deviez toujours vivre. Jamais votre fragilité ne vous vient à l'esprit. Vous ne remarquez pas combien de temps a passé. Vous le perdez comme s'il coulait à flot, tandis que ce jour, sacrifié à telle ou telle occupation, est peut-être le dernier. C'est notre mauvaise connaissance de la nature humaine, en l'occurrence de notre mortalité, de notre finitude, qui est à l'origine de ce mauvais usage du temps. Il faut donc rectifier notre jugement et nous savoir mortels, car loin d'être une pensée tragique, cette connaissance est au contraire la condition même de la vie heureuse. Cela suppose de nous réapproprier notre temps, et ce, tout de suite. Car vivre, dit Sénèque, toute la vie, il faut apprendre à le faire. Mais ce qui te surprendra peut-être davantage, toute la vie, il faut apprendre à mourir. Car apprendre à vivre et apprendre à mourir, c'est finalement tout un. Le sage peut avoir une vie très longue, car quel que soit le temps qu'elle dure, elle est tout entière à sa disposition. Il ne sait pas laisser dérober son temps. Il est tout de même dommage qu'il me manque du temps pour vous parler de ce que nous pourrions mettre en œuvre pour vivre mieux notre temps, pour vivre mieux, tout court. J'aurais aimé vous parler de l'otium, ce terme mal traduit par le loisir ou par la retraite. Ce moment où on peut se mettre en retrait des occupations du monde pour nous adonner enfin à nous-mêmes et à la philosophie. J'aurais voulu vous parler de ces étonnantes amitiés que l'on peut vivre grâce à la philosophie. Pas seulement les amitiés incarnées auprès des vivants auxquels nous tenons tant, mais celles aussi que nous pouvons vivre auprès des morts, auprès de Chrysippe, auprès de Zénon, auprès de Sénèque, bien sûr, sans doute aussi auprès de Montaigne, de Spinoza. Ces amitiés salutaires, car ces amis, nous dit Sénèque, de nuit comme de jour, tous les mortels peuvent aller les trouver. Aucun d'eux ne te forcera. Tous t'apprendront à mourir. Aucun d'eux ne te fera perdre tes années, mais chacun te donnera les siennes. Ces génies t'ouvriront le chemin de l'éternité. Mais il faut se dépêcher. Il y a urgence à vivre, car le temps silencieux s'écoule. De notre passé, tirons les bons enseignements. Et de notre futur, soyons sans crainte. Je donne la parole de la fin à Sénèque, car le plus grand obstacle à la vie, c'est l'attente qui dépend du lendemain et perd le jour présent. Où regardes-tu ? Jusqu'où t'étends-tu ? Tout l'avenir gît dans l'incertitude. Vis tout de suite. Merci beaucoup Marion pour cette belle leçon de sagesse. Et quoique prisonnier du sablier, du temps du sablier, du temps compté, tu as pris le temps de justement nous faire de belles leçons de sagesse et suivre Sénèque qui nous invite à nous réapproprier le temps. Finalement, même si le temps nous est compté, il nous appartient finalement de ne pas le laisser gaspiller inutilement. C'est une autre voie que l'art pour vivre aussi et se réapproprier le temps. Donc ça a tombé bien finalement cet enchaînement du hasard. Mais alors je poursuis l'exploration de cet abécédaire. Alors ce sera M comme mémoire au pluriel et je laisse la parole à Philippe Barrière, donc, qui est historien. Alors, plutôt que de me plaindre des conditions qui sont faites, je les dénonce, parce que 8 minutes, c'est trop court, et je les passe auprès d'un précipice dans lequel je vais peut-être tomber, un gouffre abyssal. Je vous présente mes excuses, peut-être suis-je un imposteur. En effet, l'endroit d'où je parle n'est pas en conformité avec les nobles attendus disciplinaires de ces denses journées, puisque je ne suis pas philosophe. Le terrain que j'explore en toute humilité, j'allais dire que je braconne, est celui de l'histoire. Et comme le disait l'un des maîtres du champ spécifique des sciences sociales humaines auxquelles j'adhère, je parle évidemment de Fernand Braudel, sous l'auguste protection de qui je place d'emblée cette prise de parole, philosopher pour un historien, c'est plutôt mal vu. Le temps n'est pas ma matière de prédilection, c'est plutôt la durée. Pour reprendre la définition du Centre national de la recherche textuelle et linguistique, intervalle de temps déterminé pendant lequel se produit une action, un état, un phénomène, du début à sa fin, ou qui sépare deux événements. Comment faire pour l'historien de service avec ça? Eh bien, en examinant la manière dont les sociétés humaines s'y prennent pour négocier leur rapport avec les événements. Mettons, pour faire court, tic-tac, tic-tac, ce que François Hartog désigne sous le vocable de régime d'historicité. Ces manières variables, dans le temps, inventées par les hommes pour négocier leur spécifique place dans le continuum temporel, sous toutes les latitudes. Sous les nôtres, depuis que nous écrivons sur nous-mêmes, nous avons maintes fois changé de système de comptabilité. Les Olympiades des Grecs, le médiéval compute ecclésiastique, notre temps universalisé que les historiens Saint-Garavelou et Venère repèrent à l'œuvre dans la généralisation du calendrier, de la montre bracelet, de l'horloge. Sans oublier les franches coupures qu'instaurent les révolutions quand elles remettent les compteurs du temps à zéro en un de la République, de la Révolution, de l'homme nouveau. On connaît, j'allais dire, on ne connaît que trop cette approche du temps si péremptoire, tabula rasa. Alors on peut aisément moquer le temps des historiens, cela ferait un coquin préambule, un brin démagogique peut-être, mais l'on peut ensemble ricaner de la manière dont la corporation des historiens, pour le discipliner, saucissonne le temps. Le tronçonne de manière un peu mesquine au titre de leur pédante spécialisation chronologique, ces couloirs de temps auxquels ils sont si attachés. Ah, la flèche du temps, le temps linéaire, sa marche vers le progrès, qu'on le nomme parousie ou, plus séculière eschatologie, révolution. Ah, les quatre périodes classiques, académiques, canoniques du temps des historiens. Braudel, de nouveau, prévenait dès 1958, je le cite, « Tout travail historique décompose le temps révolu. » Pas mal, ça, le temps révolu. Choisi entre ces réalités chronologiques selon des préférences et exclusives plus ou moins conscientes. On les connaît, ces quatre hiératiques périodes. Elles vont de l'Antiquité, apogée rétro-fantasmée de l'Occident, jusqu'au dur temps contemporain, douleur non foreclose des totalitarismes, via ce long Moyen-Âge, un millénaire tout de même, le si mal nommé, lui-même suivi des temps modernes, mais pas ceux de Charlot. Paf ! Et soudain, 476, la chute de Rome. Paf ! 1492, la découverte de l'Amérique. Paf ! 1789, paf, paf. La grammaire du temporel, comme Pierre Nora désigne notre névrotique usage de la sacro-sainte chronologie, recours encore et toujours à la vérité des dates, indépassable principe de certification. Mais n'est-ce pas un procédé un peu enfantin que de continuer de réciter si scolairement nos dates? Le titre de l'ultime ouvrage que le médiéviste Jacques Le Goff a fait paraître l'année de sa mort dit bien le doute fondamental devant cette manie du carottage. Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? Ce faisant, les historiennes et les historiens se racontent-ils des histoires, prétendant maîtriser le temps en mettant le passé en récit? Voici ce qu'en pense François Furet, autorité de la discipline. J'ouvre des guillemets de révérence. L'histoire est fille du récit. Elle n'est pas définie par un objet d'étude, mais par un type de discours. Dire qu'elle étudie le temps n'a en effet pas d'autre sens que de dire qu'elle dispose tous les objets qu'elle étudie dans le temps. Faire de l'histoire, c'est raconter une histoire. Et Jacques Rancière de poursuivre en appuyant là où c'est douloureux. Je le cite. « Question de mots, dira-t-on. C'est une malheureuse homonymie propre à notre langue. » qui désigne d'un même nom l'expérience vécue, son récit fidèle, sa fiction menteuse et son explication savante. Bon, il semble donc difficile de prendre les historiennes et les historiens au sérieux quand il s'agit de faire quelque chose du temps qui passe. Aussi, je change mon fusil d'épaule et, Horresco référence, me tourne délibérément vers la mémoire. Je n'abjure rien de la méthode qui fait la réputation de sérieux jusqu'à l'ennui de ma corporation d'appartenance. Je ne déserte pas, mais, comme Alice courant après le lapin à la montre, je suis en retard, en retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part, ça me dit-il, pardon, dans la version Disney. Je traverse le miroir. De Clio, je passe à Mnémosyne, osant poser cette irrévérencieuse question, la mémoire, le point d'entrée que j'ai choisi, M comme mémoire, M le maudit, M comme maudite mémoire. La mémoire, disais-je, s'en sortait le mieux avec le temps impérieux du récit, mieux en tout cas que la narration historienne classique. Je reformule, pour que nous saisissions bien l'enjeu, lequel de ces deux modes d'appréhension, de mise en récit de la durée en tant qu'elle est du passé, du temps révolu, toujours déjà présent à nous, en nous, qui, de Clio ou de Mnémosyne, de l'histoire ou de la mémoire, semble la mieux placée pour apprivoiser le temps. Confession rapide, je voulais initialement consacrer 60 secondes à chacun des 6 auteurs dont la fréquentation quotidienne m'aide dans ma démarche d'historien des mémoires des conflits contemporains, section 22 du CNU. À chacun 5 minutes en quelque sorte, je voulais commencer par les Grecs, Hérodote en tête, Thucydide pas loin, car il s'agit de ne pas se méprendre, c'est bien Mnémosyne qui engendre Clio et pas l'inverse. J'aurais continué avec la minute de Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe en étendard. J'aurais continué avec Peggy, à qui je reviens dans quelques minutes, tic-tac, tic-tac. Lui qui distingue le cours des événements en période, molle, et époque, épique. J'aurais enchaîné avec la minute de Georges Perec, écrivant ses douloureux rapports avec la grande hache de l'histoire, je me souviens. Puis cela aurait été le tour de Malraux et de ses anti-mémoires, quand le héros de la saga gaulienne au verbe haut et à la voix éraillée entre ici Jean Moulin s'interroge dès l'ouverture du livre Bravage, pourquoi me souvenir ? La minute d'Orwell, ensuite, bien entendu, qui contrôle le passé, contrôle le futur, qui contrôle le présent, contrôle le passé. Enfin, j'aurais conclu avec la minute de Monsieur Cyclopède. La terrifiante minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, dont certains et certaines se souviennent certainement. Celle consacrée le 15 février 1983 à ce programme final. Raccrochons-nous désespérément au passé ? Ou celle, un an plus tard, dédiée à cet autre objectif, tuons le temps en attendant la mort. Mais je n'ai pas le temps, c'est comme ça, et pas autrement. Tic-tac, tic-tac, je pose 2 questions, je n'y pèle pas, top chrono. Encore un instant, je vous prie, monsieur le bourreau, 2 questions honnêtes, même si peut-être formulées de façon un peu naïve. La première, mais de quoi s'occupe la mémoire pour un historien ? Charles Péguy, j'y reviens, comme promis, pour décrire les équivoques rapports qu'entretiennent histoire et mémoire, a opté pour une virulente métaphore géométrique. Égratignant la pratique de la discipline académique à ses yeux étriqués, celle qu'il appelle une dame de l'enregistrement, celle que professe la maigre Sorbonne où règnent les très positivistes Langlois et Seignobos, il écrit, je cite, attention, le sablier, tic-tac, tic-tac, l'histoire est essentiellement longitudinale. L'histoire est parallèle à l'événement, la mémoire lui est centrale et axiale. À suivre Péguy, la mémoire serait la faculté humaine de retenir les éléments du passé qu'on appelle souvenir. Sur l'autre rive, l'histoire est perçue comme un discours sur le passé, impersonnel et froid, sèchement analytique, ignorant la chair et l'épaisseur du vécu humain. Deuxième interrogation, tic-tac, tic-tac, quelle est l'utilité sociale de la mémoire ? Là, je m'approche des terrains chers à mes amis philosophes, celui par exemple que Saint-Augustin travaille quand il assigne la mémoire à la fonction qui compile les souvenirs, à l'intériorité. C'est peut-être là le sens de sa célèbre formule, je le cite, l'impression que les choses en passant font en toi, ils demeurent après leur passage, et c'est elle que je mesure quand elle est présente, non pas ces choses qui ont passé pour la produire, ce qu'il appelle le présent du passé. Deuxième petit point dans cette deuxième question, qu'est-ce donc que la fameuse mémoire collective, concept qui semble un peu mou et flou et attrape tout, en tout cas à la mode, à forte valeur ajoutée, y compris commerciale, partout utilisée, depuis les ethnomusées jusqu'aux pages magazines de certains journaux télévisés de la mi-journée, vantant à longueur d'année, depuis tant d'années, dans un méli-mélo tout sauf innocent en plan pilotique, la mémoire d'antan, le temps d'avant, les traditions anti-modernes d'un passé frauduleusement idéalisé. Dans le champ des sciences sociales, nous avons de la chance, ou plutôt l'œuvre du sociologue Maurice Alvax, mort dans les bras de Jorge Semprún, vous le savez, à Buchenwald. Nous disposons d'un concept assez nouveau, il a un siècle d'existence, la mémoire collective. À son crédit, des points positifs, et notamment l'invention d'Alvax, les fameux, j'insiste là, cadres sociaux de la mémoire. C'est cela, cette invention heuristique, ce point qui permet de penser que les groupes auxquels nous appartenons ont eux aussi une mémoire. Famille, nation. laquelle mémoire préside aux relations entre la subjectivité de chacun des membres qui les composent autant qu'elle en découle. Dernière question, promis. De quel passé la mémoire est-elle faite ? De tradition et de traduction. La tradition, pour aller vite, permet de puiser dans le stock de références performatives un petit peu inconscientes que nous avons toutes et tous en tête, les fameux lieux de mémoire de Nora. Il suffit que je dise ici, par exemple, Verdun, Vercors, deux mots dont les deux fois deux syllabes claquent en une tonitruante et martiale sonorité, ou encore Tour de France, Victor Hugo, Versailles, Madeleine de Proust, et nous y sommes, presque miraculeusement. Mais sur un autre plan, et selon d'autres mécanismes, la mémoire est aussi volonté d'insérer le passé dans le présent à des fins sociopolitiques utilitaristes. Elle n'est plus poids, elle est choix du passé. Elle n'est plus tradition, elle est traduction du passé. Et là, les enjeux glissent nettement vers une politisation du discours. Attention, manipulation du passé. Remember Big Brother, il y a 3 minutes et demie. L'instrumentalisation et l'affrontement entre les usufruitiers mémoriels déployant des usages concurrentiels du passé, ces mémoires plurielles, voilà le S entre parenthèses justifié, entraînent des risques, bien entendu. Hypermnésie, amnésie, qui rime plus ou moins avec amnistie, anamnèse, du syndrome de Vichy à celui de l'Algérie, retour brutaux de balancier, danger de la concurrence des victimes, religion civique du devoir de mémoire imposé hors sol, ah tiens, cancel culture aussi. Et il est des brouilleurs conscients, des embrouilleurs professionnels de mémoire, sachant ce qu'ils font. C'est certainement l'entreprise à laquelle se voue actuellement Éric Zemmour, qui tente de réhabiliter, vieille lune, la fiction d'un bon pétain sauveur des juifs français. Cette méchanceté négationniste, cette rente contre-mémorielle chère à l'extrême droite nationaliste. Pour être vigilant, on peut compter sur les historiens de là, des mémoires, ce qui est mon rayon. Le meilleur d'entre nous, Pierre Laborie, l'écrivait en ces termes, j'ouvre des guillemets de référence. Conservateur de mémoire, l'historien se trouve chargé de préserver ce qu'il doit par ailleurs décaper et démythifier. Il est et doit être, tout à la fois, un sauve-mémoire et un trouble-mémoire. Allez, j'arrête là. Tic-tac, tic-tac. On l'a compris, il n'est pas facile de déterminer avec exactitude les coordonnées de la saisie du temps qu'opèrent là où les mémoires, en constante tension avec l'histoire, la mère et la fille, Mnémosyne et Clio, ayant tendance à se crêper le chignon, si j'ose dire. Et si le temps privilégié des historiens n'était pas celui des pointilleuses, des tatillonnes enquêtes lancées par le père fondateur de la discipline, Hérodote ? Et si la grande affaire de la corporation historienne était le présent ? Ce moment de cristallisation temporelle, ah, Grenoble, Stendhal, le fameux Rameau, cet hic et nunc dans lequel prend place leur questionnement. Et si les historiens étaient les mémorialistes du présent ? Et si, comme le pense l'historien Patrick Boucheron, je le cite ici, nous avions besoin d'histoire car il nous faut du repos ? Je ne sais pas si l'on peut se libérer du temps au moyen de l'histoire. C'est l'objet d'un atelier philo de cet après-midi, je crois. En revanche, quand je lis ce contemporain maître, Patrick Boucheron, je reprends confiance à ma discipline, si joyeusement laïque. Je comprends qu'elle permet, je le cite de nouveau, de sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du présent. Les poètes s'y consacrent avec exactitude. Il faut pour cela travailler à s'affaiblir, à se désœuvrer, à rendre inopérante cette mise en péril de la temporalité qui saccage l'expérience et méprise l'enfance. Car la fin de l'histoire, on le sait bien, a fait long feu. Aussi devons-nous, du même élan, revendiquer une histoire sans fin, parce que toujours ouverte à ce qui la déborde et la transporte, et sans finalité. Une histoire que l'on pourrait traverser de part en part, librement, gaiement, visiter en tous ses lieux possibles, désirer, comme un corps offert aux caresses, pour ainsi demeurer en mouvement. Alors en écho à Patrick Boucheron, retour à la poésie. Voici cette stance de René Char claquant haut et fort au ciel de la poésie que j'ai plaisir à vous dédier. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Comme à suivre le poète résistant et l'historien engagé dans la cité, il semble que nous ne possédions pas le mode d'emploi du temps révolu, du passé. Celui qui nous construit, eh bien, inventons-le. Je vous remercie. Merci Philippe, même si tu as débordé ton temps, c'était évidemment un magnifique voyage dans la mémoire. L'histoire est fille de la mémoire, et la mémoire n'a évidemment pas seulement individuelle, mais collective. Donc merci de nous avoir rappelé ce fait et toutes ces références. Alors je poursuis mon voyage dans l'abécédaire, puisqu'il nous reste encore 2 lettres. Alors, V comme voyage mental. Et je vais laisser la parole à Denis Perrin, qui nous parlera d'une autre mémoire. Je vais parler de la mémoire, mais donc ça tombe bien avec ce qui comment dire, la lettre qui a été tirée précédemment. Donc mon collègue a évoqué la mémoire collective. Moi, je vais plutôt parler de la mémoire individuelle. Et je vais réfléchir quelques instants avec vous à cette notion de voyage mental dans le temps. Vous savez toutes et tous ce que c'est que le voyage non mental dans le temps. La fiction a beaucoup exploité ce thème-là. Mais on parle aussi aujourd'hui, déjà depuis quelques années, dans le champ de la neuropsychologie cognitive de la mémoire, d'un voyage mental dans le temps. Et au fond, ce à quoi je veux me livrer dans les quelques minutes dont je dispose, c'est un exercice de philosophie de la psychologie. Essayer de comprendre philosophiquement certains éléments de la psychologie de la mémoire. Alors c'est intéressant cette idée de voyage mental dans le temps, parce que ça fait ressortir le lien intime qu'il y a, disons, entre le temps et nos capacités psychologiques ou cognitives. Nous aurions, et en un sens c'est une bonne nouvelle, la capacité de ne pas être prisonnier du temps grâce à certaines de nos capacités mentales ou psychologiques ou cognitives, j'utiliserai ces termes de façon synonyme. Il y a une conscience du temps qui passe présentement, mais il y a aussi une conscience du temps passé. Et regardez, une chose qui est intéressante, c'est que cette conscience du temps passé, elle peut précisément prendre une forme dynamique, c'est-à-dire la capacité de retourner vers le passé mentalement. Et c'est cette notion-là, cette idée d'un retour dynamique vers le passé, que dans le champ de la psychologie, l'expression « voyage mental dans le temps » est censée capter. Alors je posais quatre questions pour essayer de comprendre un peu plus précisément ce que c'est que cette notion de voyage mental dans le temps. Une première question, c'est « mais qu'est-ce que c'est ?» plus précisément que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Comme je viens de l'évoquer, c'est une notion qui vient du champ de la psychologie. Il y a un psychologue canadien célèbre, Endel Tulving, qui est un des grands penseurs dans le champ de la psychologie de la mémoire, qui a introduit cette notion-là de voyage mental dans le temps, le mental time travel en anglais. Et il caractérise, pour situer cette notion-là, ce terme-là, il faut rappeler que c'est le grand théoricien de ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et pour aller vite, la mémoire épisodique, c'est quoi? C'est la mémoire personnelle. C'est votre capacité de vous ressouvenir d'expériences que vous avez faites dans le passé. Et il caractérise la mémoire épisodique par deux moyens, pour aller très très vite. D'abord par ses objets. Dans la mémoire épisodique, quand on exerce nos capacités de mémoire épisodique, nous repensons à des scènes que nous avons vécues. Donc il caractérise cette mémoire par ses objets, des événements particuliers que nous avons vécus. Et il la caractérise aussi par le mode de conscience particulier avec lequel nous exerçons nos capacités de mémoire épisodique, à savoir justement cette capacité de revivre une scène. Vous voyez, je pourrais vous faire faire le petit exercice suivant, vous demander de fermer les yeux, de retrouver une scène que vous avez passée et de la revivre mentalement. C'est exactement ça qui se passe quand on se souvient épisodiquement. Et donc, un des aspects importants de cette capacité cognitive, c'est précisément ce mode de conscience particulier, le fait que nous ayons l'impression de revivre une scène que nous avons vécue dans le passé. Et précisément, la notion de voyage mental dans le temps est destinée à capter ce mode de conscience particulier. Vous avez l'impression de reparcourir le temps qui vous sépare de la scène passée, de vous reporter jusqu'à ce moment-là et de revivre la scène en question. Alors, au-delà de la question « qu'est-ce que c'est ?», et je vous ai donné quelques éléments très, très succincts, on peut aussi se demander, et les philosophes de la mémoire qui travaillent conjointement avec la psychologie se posent cette question, c'est pourquoi la mémoire épisodique? Vous voyez, Tulving insiste sur le fait que, d'abord, il y a plusieurs formes de mémoire. Il y a une mémoire procédurale, celle des capacités pratiques, disons, pour aller vite. Il y a aussi ce qu'il appelle une mémoire sémantique, votre connaissance de faits généraux, les dates historiques, par exemple. Et il y a la mémoire épisodique. Ce sont trois formes de mémoire qu'on distingue de façon standard. Et Tulving insiste sur le fait que la mémoire épisodique est sans doute apparue très tard dans l'évolution. Et donc une question est, pourquoi est-ce qu'elle est apparue? Pourquoi est-ce que cette forme de mémoire a été favorisée par l'évolution de l'espèce humaine et de ses capacités cognitives? Il y a des réponses différentes qu'on peut apporter à ça. Il y a une réponse qu'on peut qualifier d'épistémique, c'est-à-dire celle qui a à voir avec la connaissance. Et on peut dire que l'un des intérêts de la mémoire épisodique, c'est que non seulement vous avez des croyances sur votre passé, mais grâce à la mémoire épisodique, vous avez la possibilité d'accéder à la raison de votre croyance, à la justification de votre croyance. Si je crois que j'ai vécu telle scène dans le passé, en me ressouvenant épisodiquement de la scène en question, j'apporte la justification à la croyance que j'ai vécu telle ou telle scène dans le passé. Donc on peut donner une raison épistémique au fait que l'évolution ait favorisé le développement de la capacité de la mémoire épisodique. Il y a d'autres avantages qu'on peut évoquer, un avantage non pas tourné vers le passé, la capacité de fonder nos croyances sur le passé, mais plutôt un avantage tourné vers le futur. Certains psychologues aujourd'hui disent que la mémoire épisodique, ça nous donne la capacité d'anticiper des scènes futures. Vous avez vécu des scènes passées, okay, vous pouvez prendre des éléments de cette expérience passée et les utiliser pour anticiper des scènes futures. Je ne sais pas si vous avez un entretien d'embauche, par exemple, à vivre dans quelques jours, vous allez vous appuyer sur vos expériences d'entretien, de conversation, pour vous préparer à l'entretien d'embauche en question. Et par conséquent, la mémoire ne serait pas faite pour le passé, elle serait plutôt faite pour le futur. Vos expériences enregistrées vous permettraient d'anticiper efficacement des expériences que vous aurez sans doute dans le futur. Donc, la question est ouverte, hein, mais la question se pose, quelle est la fonction de la mémoire épisodique qui pourrait expliquer que l'évolution et favoriser le développement de cette capacité cognitive. Autre question, et au-delà du qu'est-ce que et du pourquoi, une question très intéressante, c'est le comment. Réfléchissez un instant au fait que nous naviguons spatialement, pour prendre un cas parallèle à celui qu'on va considérer. Nous naviguons spatialement, nous sommes capables de nous déplacer dans l'espace, et de façon efficace, sans buter tout le temps dans les gens et dans les choses qui nous entourent. Comment est-ce qu'on fait ça ? Manifestement, on utilise des points de repère, on se construit au moyen de ces points de repère des cartes qui peuvent être de types différents. On a des cartes subjectives de notre environnement, c'est-à-dire des cartes qui sont organisées à partir de notre point de vue subjectif, perceptif. Puis on a aussi des cartes objectives qu'on utilise parfois, des cartes qui sont dressées à partir d'un point de vue de surplomb, disons. Donc on utilise des cartes, très bien, des représentations de l'espace pour pouvoir naviguer efficacement dans l'espace. On navigue aussi dans le temps, on s'y déplace mentalement. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des cartes qu'on utilise, des cartes du temps, des représentations du temps qu'on utilise ? C'est une question importante. Simplement pour vous donner un élément de réponse ou d'approfondissement de ce point-là, en psychologie du développement, on constate que la représentation du temps unilinéaire formée de points singuliers qui se succèdent les uns aux autres, c'est une représentation qui est acquise assez tardivement dans le développement cognitif. Jusqu'à 2-3 ans, jusqu'à 4 ans en gros, les enfants utilisent ce qu'on appelle des scripts, c'est-à-dire des représentations d'événements standards. Par exemple, un anniversaire, pour un enfant, ça se produit, ça se déroule de façon typique. On arrive chez la personne qui nous invite, on joue, il y a le gâteau d'anniversaire, on offre les cadeaux et on repart. Ça, c'est un script. Le script, c'est une entité temporelle insulaire. Elle n'est pas située dans un temps général, c'est simplement une suite d'événements qui constituent un événement typique, qui peuvent se répéter et qui sont séparés les uns des autres. L'acquisition d'une représentation du temps linéaire, c'est une chose qui arrive assez tard. Et vraisemblablement, on a besoin de cette représentation du temps pour pouvoir se souvenir épisodiquement. Ce qui explique d'ailleurs un phénomène qui est très intéressant, notamment pour la philosophie et pour la psychologie aussi, c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Le fait qu'on n'a pas de souvenirs personnels qui remontent au-delà de 3 ans. C'est très rare. Ça donne un argument pour dire qu'on n'a sans doute pas la représentation du temps qui est requise pour pouvoir faire ces choses-là. Donc la navigation temporelle qui est requise pour pouvoir se souvenir, elle suppose qu'on maîtrise certaines représentations du temps. Dernière question, et non des moindres, c'est est-ce que vraiment on voyage mentalement dans le temps ? Que faire de ça ? Manifestement, c'est une métaphore, le voyage mental dans le temps. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut la prendre au sérieux ? C'est une question. Alors, je ne vais pas la résoudre aujourd'hui, évidemment, mais simplement pour vous donner une petite idée des débats qui animent notamment le champ de la philosophie de la mémoire aujourd'hui. Au fond, il y a deux grands camps. Il y a des gens qui disent, finalement, la mémoire, c'est assez proche de la perception. Évidemment, ce souvenir, ce n'est pas une perception qui aurait commencé à un moment donné puis qui se poursuit de façon continue à travers le temps. Quand on se souvient, il y a eu une interruption de l'expérience, et puis tout à coup, on se met à se représenter de nouveau une expérience passée, très bien, mais c'est quand même très proche de la perception. Le souvenir épisodique, par différence avec d'autres formes de mémoire, c'est ce qui nous permet d'entretenir un rapport direct avec le passé. Et cette métaphore du voyage mental d'antan, elle rendrait bien compte de ça, de la capacité qu'on a de, au fond, quasi percevoir le passé, hein, en revivant une scène passée. Et puis à l'opposé, vous avez des gens qui disent non, pas du tout. C'est pas de la perception qu'il faut rapprocher la mémoire épisodique, il faut plutôt la rapprocher de l'imagination. Au fond, le souvenir, c'est qu'une forme d'imagination. Une imagination qui porte sur le passé, une imagination qui représente une expérience que nous aurions faite, mais ce n'est qu'une forme d'imagination. Donc je vais finir là-dessus, puisque j'ai déjà débordé, pardon. Mais voilà, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette métaphore-là doit être prise au sérieux? Est-ce que la mémoire, c'est plutôt de la perception ou est-ce que c'est plutôt de l'imagination? Merci. Merci beaucoup, Denis, pour ce voyage mental, finalement, ce voyage au cœur de la mémoire, qui est une faculté décidément extrêmement complexe. Mnémosyme, finalement, à plusieurs faces. Et là, merci de nous avoir initiés à la psychologie cognitive et un petit peu à tout ce champ de recherche sur la mémoire qui est vraiment très fécond aujourd'hui. Et à Grenoble, nous sommes un des centres d'excellence, hein, quand même, en France, à l'UGA. Il nous reste une dernière lettre à tirer au sort. Donc... c'est jamais M, ce sera M comme mythe, et je laisse la parole à Thomas Bocon-Gibaud. Alors, c'est vraiment amusant parce que apparemment il n'y avait pas de surprise, et en fait il y en a une, parce que ma lettre est U comme urgence. Donc je m'attendais à, ou alors j'improvise sur M comme mythe, je sais, non, ok. Bon, merci, quoi qu'il en soit. Mais oui, mais c'est bien aussi. Puis, en fait, le temps presse, donc effectivement, c'est d'autant plus justifié, eu comme urgence. Bon, c'est parti. Tu as lancé le. Alors bon, nous vivons, c'est officiel, je crois, en état d'urgence depuis plusieurs mois. C'est étrange, évidemment. C'est paradoxal, bien sûr, un état d'urgence qui dure. Alors, face à ce paradoxe, on pourrait opposer le temps de la philosophie, qui est précisément un temps suspendu, un temps qui n'est au fond rythmé que par des distinctions conceptuelles, par les différences qu'il y a à opérer entre une notion et une autre. Ça vient d'être abondamment illustré par mes collègues. Les différentes manières dont on peut articuler les différents concepts. Et donc, puisqu'elle est au fond située entièrement sur le plan du discours, La philosophie nous fait faire l'expérience d'une temporalité assez spéciale qui est ce qu'on pourrait appeler le temps de la pensée. D'un côté, c'est un temps apparemment sans urgence parce qu'il ne faut surtout pas se presser avant d'avoir compris la manière la plus précise, la plus exacte possible ce dont il s'agit. D'un autre côté, c'est une expérience qui, par bien des côtés, ne peut pas attendre. Et Marion l'a dit tout à l'heure, je le dirais avec un autre best-seller de la philosophie du baccalauréat, la lettre à Ménécée d'Épicure, qui commence par dire qu'il y a effectivement urgence à philosopher, quel que soit son âge, quelles que soient ses occupations présentes, précisément parce que le temps du concept n'est pas seulement un temps provisoirement suspendu, mais surtout un temps qui permet radicalement d'appréhender au fond autrement les rythmes du quotidien dans lesquels nous sommes pris. Alors, bon, il y a urgence à se pencher sur ce qui nous sollicite toutes affaires cessantes, il y a urgence à se pencher sans urgence sur l'urgence. L'état d'urgence sanitaire s'est terminé le 1er juin dernier sur la plupart du territoire national, des mesures transitoires demeurant en vigueur jusqu'au 15 novembre prochain, si j'ai bien compris. On a beaucoup discuté de la validité de ce concept dans un contexte de sécurité sanitaire et non pas d'ordre public ou de sécurité nationale à proprement parler. Mais je ne vais certainement pas me lancer dans l'appréciation des dispositions législatives qui ont été prises dans l'urgence et sur l'urgence, mais plutôt je vous proposerai de m'interroger sur la signification, au fond, de ce recours politique à l'urgence pour faire face à ce problème sanitaire aigu que nous traversons. La formule d'état d'urgence sanitaire a eu, malgré sa puissance assez indiscutable, un sens, je crois, pas des plus clairs, un peu confus. Et je crois, parce que cette formule recouvre ou recoupe plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, et que le confinement, hein, que la notion d'état d'urgence a servi à déclencher, sur le plan réglementaire, eh bien, ce confinement a d'abord, en fait, très concrètement, constitué un très grand ralentissement de nos activités. Donc, c'est paradoxe, il y a urgence à s'arrêter complètement, quoi. Paradoxe supplémentaire, loin d'avoir été vécu comme une grande pause, ce confinement a suscité en même temps une fébrilité inouïe à tous les niveaux de la société, et même aussi de la part des responsables administratifs et politiques. Et cette fébrilité est loin d'être retombée à l'heure actuelle, sans doute bien au contraire, puisque nous vivons à présent une sorte de choc des temporalités, contraint de revenir à une vie semblant normale, alors que nous ne sommes pas vraiment en fait remis tout à fait des bouleversements que nous avons vécus. La fatigue que beaucoup ressentent actuellement, seulement quelques semaines après la rentrée scolaire, n'est pas seulement liée au mauvais temps, même si je crois que c'est la première fois depuis bien longtemps qu'il ne fait pas beau aux rencontres philosophiques du Riage. Elle vient aussi, cette fatigue, sans doute d'une difficulté corporelle, psychique, à retrouver ce rythme ordinaire de nos vies dans une situation qui est encore de surcroît assez instable, assez imprévisible. Concrètement, l'urgence nous presse, donc, mais on ne sait pas très bien comment ni à quoi elle nous presse. Il faut dire que cette notion d'urgence, si on la considère en elle-même, eh bien, elle ne se laisse pas si facilement appréhender. C'est assez difficile de la définir d'une manière générale parce qu'elle n'est pas, au fond, dans les choses, mais plutôt, en fait, dans le regard que nous posons sur celle-ci. Dire, par exemple, que des mesures d'urgence doivent être prises pour limiter le réchauffement climatique, c'est un exemple, ou l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas dire que ce sont le tétralyre ou l'atmosphère qui exigent cela. En réalité, l'urgence nous renvoie surtout à nous-mêmes, à une obligation que nous ressentons nous-mêmes en première personne. On pourrait ainsi définir l'urgence non pas par rapport à son contenu ou à ses modalités, mais de manière simplement formelle, comme une obligation brusque et immédiate. Une obligation parce qu'elle s'adresse à nos volontés, brusque parce qu'elle répond à une sollicitation extérieure, et immédiate parce qu'elle impose qu'on s'en préoccupe sans délai. Et donc, elle nous impose de réordonner, au fond, nos priorités, ce qui lui confère, au fond, par rapport à toutes ces priorités, un caractère absolu, serait son dernier aspect, elle nous fait relativiser, au fond, tout ce que nous avions prévu de faire dans le temps que nous appréhendions, quoi. Et, en fait, c'est peut-être justement là que réside, malgré tout, la promesse de l'urgence qui nous a été officiellement notifiée, car, par son caractère absolu, l'urgence nous a imposé, en dépit de cette sidération dans laquelle nous étions, eh bien, d'amorcer une relativisation, au fond, de nos manières de vivre. Et, d'une certaine façon, ces rencontres philosophiques du Riage en sont le témoin, involontaire, parce que lorsque nous avions défini le thème à l'hiver 19-20, nous pensions traîner le problème de l'accélération indéfinie de nos existences sous l'effet combiné des changements techniques et des modes de transport et de communication. Alors, le confinement, surtout le premier, qui a été vécu simultanément par la moitié de la planète, a donné à ce thème une nouvelle signification, celui d'un temps qui ne nous emprisonne pas dans sa course folle, mais au contraire, dans sa répétition infinie, dans un piétinement sans horizon, et qui était d'ailleurs presque un retournement ironique d'ailleurs de la situation d'accélération que nous pensions traiter. Mais je crois qu'il y a plus, en fait, dans cette inversion qu'une simple répétition de la même chose en négatif. Ce temps d'arrêt, beaucoup, je crois, voudraient aujourd'hui qu'il n'ait pas existé, que nous puissions revenir comme avant à notre quête perpétuelle, inquiète, de performance, d'efficacité, de prévisibilité, d'infaillibilité, de puissance, en somme. Ils voudraient, nous voudrions revenir à l'accélération, et nous attendons la fin des pénuries pour reprendre le rythme des flux tendus et des zéro délai. Alors il est bien clair, évidemment, que notre salut ne peut pas consister à nous installer indéfiniment dans ce sympathique temps suspendu de l'urgence, qui, très concrètement, n'a évidemment pas été une partie de plaisir. Mais cette urgence paradoxale dans laquelle nous a plongé le virus nous conduit bel et bien à revoir nos priorités d'action. Et ce pourrait être d'abord en reconsidérant le monde dans lequel nous vivons. Il s'agirait alors de considérer plutôt l'espace plutôt que le temps, en jetant donc un nouveau regard sur nos entourages, en nous synchronisant d'abord sur le temps long d'une solidarité nationale et même internationale, sans laquelle le virus continuera sa course de destruction de manière relativement peu contrôlable, ce qui passe par le partage de ressources, en particulier de ressources vaccinales, de ressources de traitement. Ensuite, en considérant que, étant donné les fragilités matérielles de notre modèle de civilisation que cette crise sanitaire a mis en lumière, eh bien, les dangers auxquels nous avons à faire face aujourd'hui sont les mêmes, au fond, que ceux qui menacent les autres espèces vivantes et que notre puissance, au fond, ne peut se mesurer qu'à l'aune de la leur. L'urgence nous mène alors à trouver des modes de construction de nouvelles communautés, au fond, par-delà les frontières entre les pays, qui subsisteront, bien sûr, et par-delà les frontières aussi entre les espèces vivantes, animales, même végétales, pour retrouver le sens d'un monde partagé et un rythme d'existence dans ce monde. Voilà. Merci Thomas pour ce rappel finalement à l'urgence. Alors même si nous sommes un petit peu en retard, il faut prendre le temps finalement de laisser un petit peu de temps au temps. Donc nous allons faire une petite pause avant d'écouter la conférence de Judith Revel qui portera son regard sur philosophique sur l'année écoulée. Donc 10 minutes de pause, voilà le temps de prendre un petit peu le temps et de ne pas céder à l'urgence.